359e chapitre, où les aviateurs français ont une bien désagréable surprise. Les eaux de ce lac étaient heureusement très calmes, de sorte que les aviateurs purent réparer assez facilement. Grondard fit preuve d'une vivacité peu commune. Quand il fut possible de s'élever, une difficulté se présenta. L'endroit où l'on se trouvait était entouré de hautes montagnes, et il était à craindre que l'aéro n'eût pas assez de champ pour se lancer dans l'espace. Il risquait d'aller buter contre les rochers. Monsieur Voirin, qui vit le danger, préféra se reposer sur le lac et chercher un endroit plus favorable. On marcha donc avec l'hélice arrière pendant près d'une heure, et quand enfin on eut devant soi tout l'espace désirable, on reprit la route des airs. À peine s'était-on élevé au-dessus des rochers que Francis poussa un cri. « Qu'y a-t-il ? » interrogea M. Voirin anxieux. « Tenez ! » fit le gosse en tendant le bras vers l'ouest. Les aviateurs demeurèrent anéantis. Là-bas, à l'horizon, dans un miroitement de soleil, on apercevait un monoplan qui grossissait de minute en minute. « Steiner !» murmura Fabien en serrant les poings avec rage. Tous les aviateurs avaient les yeux tournés vers ce monoplan qui, tel un revenant, se montrait maintenant dans le ciel. « Voyons, dit Fabien, il s'agit de ne pas perdre la tête. L'ennemi dont nous nous croyons débarrassés pour toujours nous poursuit de nouveau. Il faut lui tenir tête, que dis-je ? Il faut le supprimer, et carrément encore. Puisque les Indiens ont laissé fuir ce misérable Steiner, nous allons réparer cette négligence. Maintenant, pas de pitié. Nous avons affaire à des ennemis déclarés. Il faut les tuer ou se laisser tuer par eux. » Et tout en parlant, le Parisien vérifiait son Winchester. « J'ai encore deux balles explosives, dit-il, mais je les réserve pour la fin. » L'aéro allemand, car c'était bien lui, continuait sa route en ligne droite, comme s'il n'avait pas aperçu son adversaire. Mais quand il se trouva à portée du fusil des aviateurs français, il vira brusquement de bord et s'éleva progressivement. « Parbleu ! » s'écria Fabien. « Ils cherchent à exécuter la manœuvre qui leur est habituelle. Ils veulent monter de plus en plus afin de nous dominer et de nous lancer encore quelques bombes. » « Il ne faut pas les attendre, » dit M. Voirin. « Marchons résolument sur eux et donnons-leur la chasse. » L'ingénieur avait pris la direction. Il manœuvrait de façon à couper la route à son ennemi. L'aéro-allemand fuyait avec rapidité. Fabien, qui avait pris la jumelle, regardait ses adversaires. « On les voit parfaitement, » dit-il. « Je distingue à merveille ce bandit de Steiner. »« Ah, il nous regarde aussi. Il vient de prendre sa jumelle. »« Oui, mon bonhomme, regarde-moi bien. Mais quand nous serons à portée, je parie bien que d'un coup de fusil, je te ferai rentrer dans les deux yeux les vers de ta jumelle. » Le paysage avait changé d'aspect. On se trouvait au-dessus de montagnes arides et il fallait se tenir à une altitude assez élevée à cause des nombreux pics qui se dressaient çà et là et masquaient parfois aux aviateurs le monoplan qu'ils poursuivaient.